Section 88 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 88. Croquis de Mars par Gustave Geffroy. Chapitre 4. Grande Marie. On l'annonce à peu près à chaque mois de mars, cette plus grande marée de l'année ou du siècle. Et chaque fois, quelques-uns qui sont là de passer sur le même boulevard et de voir qu'on joue toujours les mêmes pièces, prennent le train et s'en vont voir monter les lames sur une plage ou s'avancer la barre à l'embouchure d'une rivière. Que le flot se résolve lentement en nappe calme ou que le vent le creuse et le gonfle, que la mer soit gracieuse ou terrible, ceux qui aiment de partir prient tous les paysages faits de ciel et d'eau, y trouvent toujours leur compte. Une apparition de la lune pleine, un brusque changement de température survenu à Paris, une humidité en suspension qui fait pleurer les murs et qui mouille le pavé. C'en est assez pour décider à partir ceux qui s'étaient déjà intéressés aux renseignements à peu près scientifiques publiés par les journaux. On monte dans le train de Granville le soir. On descend de voiture à 9h du matin, au pied de la muraille du Mont-Saint-Michel, sur cette digue qui est l'objet de la querelle sans fin entre les architectes et les ingénieurs, qui a déjà fait dire tant de paroles et écrire tant de phrases, et qui restera longtemps encore un sujet de discours et d'articles, puisqu'on ne se décide pas à adopter la seule solution raisonnable. Cette solution, cela a été dit et redit, c'est l'arrêt de la digue à quelques 50 mètres du mont et l'établissement d'une passerelle dont le pilotis laissera libre passage à la mer. Ce fameux remblai, d'ailleurs, n'est pas toujours d'une utilité considérable, puisque, par une crue d'eau, il ne sert en rien à faciliter l'entrée ou la sortie du mont. Il aboutit en plein mur, et il faut bien se résoudre à circuler en barque ou à dos de pêcheur. Les choses continuent à se passer de la même façon. L'affouillement de la base de la fortification continue, et les pierres tombent une à une. Si l'eau, au lieu d'arriver par masse tranquille, se jetait dans cet angle formé par la digue et le mur, en vagues furieuses et précipitées comme en pousse, à certaines marées, le vent d'ouest, un écroulement pourrait s'en suivre, suffisant pour que soient enfin prises les mesures définitives. Il n'en a rien été. La mer a été douce et caressante, au possible pour les vieilles pierres. Elle a monté haut. Elle a poussé loin ces dernières vagues, mais sans une colère, presque sans agitation. La baie se remplit avec une rapidité sans pareille, et c'est une des plus curieuses et des plus belles scènes de nature qui soit, que cette marée montante, vue de la plateforme de l'église ou de l'une des fenêtres de la merveille. De la haute mer, invisible derrière une atmosphère de brume, les longues lames viennent, s'allongent en pointe, s'arrondissent, s'étalent. Les lignes des cercles se croisent, se confondent. Le terrain humide et tremblant, la tangue blanchâtre et traîtresse, disparaît sous cette prise de possession despotique. Ça et là, le sol apparaît encore, se rétrécissant à vue d'œil. Puis, plus rien, rien que l'eau qui enserre le roc, les murailles, le petit bois poussé sur une mince couche de terre, entre les interstices de la pierre. Un mascaret modeste a remonté le Quesnon. Des sentiers et des chemins de terre sont envahis. La baie est pleine, de longs frissons courent sur une eau d'un vert clair, à peine blanchie çà et là, de quelques traînées d'écume. Il n'y a plus trace de ces grands et curieux dessins. Cours de rivière et mouvement du sol. Il n'y a plus trace du gris singulier et changeant de la tangue. Seul le mont Saint-Michel et le rocher de Tombelaine émergent de cette étendue de mer, dont le clapotis est léger, comme celui d'un lac paisible. À Saint-Malo, le phénomène s'est accompli avec la même régularité. Pas un souffle d'air. On peut allumer une cigarette sur la plage, avec une allumette de la régie. Si jamais la mer a pu être comparée à de l'huile, c'est bien aujourd'hui, où l'eau semblait immobile, autant que l'air. C'est ici que le flux et le reflux ont atteint les plus hautes et les plus basses proportions. Jamais l'eau n'a été aussi profonde sous le rempart. Jamais la grève n'a été autant découverte. Il y a des promeneurs sur les bandes de sable, prolongées bien au-delà du Grand Bé, et des chercheurs de coquillages dans des rochers que les Malouins n'avaient encore jamais vus. Il en est de ravissant, de ces rochers subitement découverts, tout jaspé des couleurs les plus violentes, des couleurs de pierres précieuses, des veines bleues de turquoise, des traînées d'émeraude, des taches qui vont du vieil or jusqu'à l'écarlate. Toutes les fantaisies inattendues de l'étrange vie animale et végétative qui rampe, s'épanouit et s'englue aux surfaces et aux creux des blocs granitiques. L'œil doit s'amuser à ces détails. La vue doit s'arrêter court, car l'horizon est borné, tout ouaté, d'une brume à peine teintée par les rayons d'un soleil pâle qu'on devine suspendu dans cette atmosphère silencieuse. Fin de la section 88, lue par Margot.